Chapitre 6e. Une ferme isolée. La ferme est déserte, en effet. C'est une vieille bâtisse construite en travers de la pente, juste sous la route. Elle n'est plus maintenant qu'un bâtiment d'élevage. Le rez-de-chaussée est une grande étable sur toute sa surface. L'hiver, elle doit être pleine de bêtes, mais aujourd'hui, toutes les portes sont ouvertes, et il n'y a plus qu'un peu de fumier oublié dans un coin. L'étage forme une grange, vide elle aussi pour le moment. Dans la cour, on trouve un ensemble de trois petites cabanes style cochonnier et, principale curiosité, un énorme tas de fumier sur une dalle de béton. Mais l'ensemble est désert, pas de chien, pas même un outil qui traîne. Cela donne une étrange impression d'abandon. Nous remplissons la gourde au robinet placée sur la façade. Puis, sans perdre de temps, nous contournons le bâtiment. Nous traversons la petite route et continuons notre grimpette à travers les prés. Nous sommes totalement à découvert, à 200 mètres au-dessus de la ferme, lorsque une jeep apparaît sur la route. C'est Anne qui la signale, car elle a eu la bonne idée de se retourner à ce moment-là. Nous n'avons rien entendu. Sans doute la jeep a-t-elle coupé son moteur et se laisse aller en roue libre pour mieux nous surprendre. Immédiatement, nous nous couchons au sol, mais sans doute est-il trop tard. La jeep ralentit, prend tout son temps. Elle s'arrête presque, puis repart tout doucement et toujours lentement, toujours sans bruit, finit par disparaître dans le bois derrière la colline. « Vite, » dit Paul, « je suis sûr qu'ils nous ont aperçus et ils vont revenir. Allons-nous planquer dans la ferme. Ils nous ont vus en train de grimper au-dessus de la route. Ils ne nous chercheront pas en dessous. » Nous redescendons en courant, mais il nous faut passer trois clôtures de barbelés. En franchissant la dernière d'un bond, Paul se blesse à la main et Sylvie déchire son pantalon de treillis sur une vingtaine de centimètres. Une fois dans la cour de la ferme, nous nous sentons presque tirés d'affaire. Nous reprenons notre souffle quand Anne nous fait signe de la suivre. À la suite, nous grimpons les barreaux d'une vieille échelle de bois et montons dans la grange. Anne est déjà devant l'une des trois lucarnes qui donnent côté route. « Ils arrivent !» nous annonce-t-elle. Comme elle, nous nous installons aux fenêtres pour jouir du spectacle. Trois jeeps viennent par la route, s'arrêtent devant la ferme. Six bons hommes en jaillissent, et s'espaçant pour ratisser toute la largeur du vallon, commencent à remonter dans les prés. « Regardez tout en haut !» s'écrie encore Anne. Au niveau de la crête, quatre autres gars du plastron, bien espacés, descendent à la rencontre des six autres. « Si on était resté là-haut, on n'avait aucune chance !» conclut Sylvie. « Donc, ils nous ont bien vus tout à l'heure, » commente Paul. « Ils ont fait semblant de partir pour nous rassurer, que nous n'allions pas filer avant qu'ils nous trouvent. Et ils sont revenus très vite, en force, et en formant une tenaille. Quand même, c'est bien joué. Maintenant, réfléchissons. Quand ils vont avoir bien fouillé toute la prairie, et qu'ils vont redescendre aux bredouilles, que croyez-vous qu'ils vont faire? Fouiller la ferme, bien sûr, au moins par acquis de conscience. On peut prendre une jeep et filer avec. Il y en a trois à 10 mètres de nous. Non, non, trop risqué, répond Paul. Ils auraient trop vite fait de nous donner la chasse avec les autres jeeps. Et puis ils rameuteraient du monde par radio. On se ferait coincer à tous les coups. Je crois qu'ils ont compris qu'on est des coriaces, et ils ne vont rien négliger pour nous pincer. On ne peut pas s'échapper d'ici. C'est à découvert tout autour. J'énonce alors la seule conclusion logique. Alors, si on ne peut pas partir, il faut rester. Mais il faut se cacher sérieusement, qu'il n'ait aucune chance de nous trouver. Ne traînons pas trop. Les deux groupes ne vont pas tarder à faire leur jonction et à constater que nous ne sommes plus là. Nous regardons autour de nous avec une certaine angoisse. La grange totalement vide n'offre qu'un recoin. Je pense aux grosses poutres sur lesquelles on pourrait s'allonger, mais comment les atteindre? Et puis il faudrait se faire très fin pour échapper à une recherche sérieuse. En bas, l'étable ne nous inspire pas davantage. Tout est clair et dégagé. Il y a bien les trois cochonniers. Le bric-à-brac qui les encombre pourrait nous cacher, mais ils sont trop faciles à fouiller. Impossible de faire le tour des bâtiments par l'extérieur pour chercher autre chose. On se ferait repérer. Aucune trace de cave ou de souterrain. Que faire? La situation paraît désespérée. Nous nous sentons coincés. Alors Paul déclare: il ne nous reste plus qu'une solution. Vous n'y avez pas pensé? Ils n'y penseront sans doute pas. Quoi? Le tas de fumier. Nous allons monter sur le tas et nous enfuir dedans. Aucune chance qu'ils ne viennent nous y chercher. « Mais c'est dégueulasse !» rugit Sylvie, pendant qu'Anne fait une grimace qui en dit au moins aussi long. « Je ne suis pas chaud non plus. »« Bon, il faut se décider vite, » reprend Paul sur un ton de commandement. « Soit nous plongeons tous les quatre et s'entraîner dans ce tas de fumier, soit nous attendons tranquillement ici qu'ils viennent nous chercher, que celui qui a une meilleure idée se dépêche de parler. » Nous nous regardons les uns les autres, personne n'a le début d'une autre idée. Quant à nous laisser prendre, notre fierté s'y refuse. Nous nous sommes tellement battus depuis 2 jours que ce serait nous trahir nous-mêmes que d'abandonner maintenant juste parce que ça nous écœure. Au bout d'une minute de silence où chacun s'imagine enfoui dans le fumier, Paul attend toujours le verdict. C'est moi qui réagis le premier. « Allez, on y va. On va encore les piéger sur ce coup-là. » D'un coup d'œil à la lucarne, nous apercevons le plastron qui s'est regroupé à mi-pente et qui tient conseil pour la poursuite des recherches. Nous redescendons dans la cour. Paul le premier contourne l'énorme tas de fumier et cherche comment y monter sans laisser de traces. Le sommet est à plus de 2 mètres. « L'échelle !» s'écrie Anne. Et elle file chercher la vieille échelle de bois restée dans l'étable qui nous a permis de monter dans la grange. Sylvie se précipite pour aller l'aider, mais l'échelle n'est pas lourde. Dès qu'elle est en place, Paul s'élance dessus. Sylvie le suit, puis Anne. Resté le dernier, je vérifie que nous n'avons pas laissé d'empreintes fraîches, puis je les rejoins. Sur le haut du tas, le fumier est frais. Le nettoyage de l'étal doit être récent. Mes 3 amis sont en train de creuser dans le dessus du tas pour s'y enfuir. Ils sont déjà couverts de boue, de la tête aux pieds. Ils ont des marbrures foncées sur le visage qui leur font des peintures de guerre. En fait, ils ont déjà pris la couleur du fumier. Même sans chercher à s'enfuir davantage, ils sont devenus presque invisibles. Je remonte l'échelle et la couche à côté de nous. Rapidement, je la recouvre de fumier. Puis je me couche et me vautre dans ce mélange de boue et de paille qui a déjà fait disparaître mes compagnons. C'est mou et visqueux. C'est du fumier tout frais. Dès que nous sommes installés, couché et recouvert de cette matière grasse, molle, visqueuse et malodorante, nous tâchons de ne plus bouger. Aussitôt, nous sentons la chaleur moite transpercer nos treillis et venir se coller à la peau. Ce serait presque agréable si nous ne savions pas être couchés dans de la merde. L'odeur même n'est pas si terrible. Le plus dur, ce n'est pas d'être couché dans la bouse, c'est d'en avoir sur le visage. Cela nous fait une croûte qui sèche et qui gratte. Mais vu l'état de nos mains, se frotter le visage ne peut qu'empirer la situation. De toute façon, il est interdit de bouger. Alors nous commençons à attendre. Nous n'entendons plus rien. Anne chuchote. Je peux essayer de jeter un coup d'œil. Peut-être sont-ils tous partis sans même fouiller la ferme. Sûrement pas, réplique Paul, sans faire de bruit. C'est peut-être ce qu'ils attendent. Ils peuvent s'être camouflés et attendre silencieusement qu'on se lasse et qu'on sorte la tête de notre trou. Si les jeeps étaient repartis, nous les aurions entendus démarrer. Alors on entend l'arrivée d'un groupe d'hommes dans la cour avec des ordres. « Allez, fouillez-moi tout ça, et ayez l'œil. Il faut bien qu'ils soient quelque part. » On entend des cris, des plaisanteries, le chef qui aiguillonne ses gars car il sent bien qu'il est en train de se faire avoir. « Alors, les cochonniers, rien ?»« Rien, mon adjudant. »« Et dans la grange, rien non plus ?»« Non, rien, mon adjudant. »« Vous avez vérifié partout, sur les poutres, on a tout vérifié. » Et à l'entrée de l'étable, même pas d'empreintes dans la boue? Oui, il y a des empreintes, mon adjudant. Des empreintes de tout ce qu'on veut. Mais regardez encore, ils ne se sont pas évaporés. Où qu'ils soient allés, ils ont bien dû laisser des traces, des indices, quelque chose. 20 minutes plus tard, n'ayant rien trouvé, l'adjudant écœuré commande le départ. Le silence revient dans la cour. Nous entendons les jeeps démarrer et s'éloigner. L'odeur du fumier s'est complètement installée dans nos narines, et nous aurons sûrement du mal à sentir d'autres odeurs avant un moment. « Vous croyez qu'on peut y aller ?» demande Anne. « Pas encore, » chuchote Paul. « Je ne le jurerai pas, mais il me semble n'avoir entendu que 2 jeeps démarrer. » « C'est ce qu'il me semble aussi. » Je perds un peu la notion du temps sur notre tas de fumier, car je finis par m'endormir, les filles aussi. Quand Paul nous réveille, il fait très chaud. Le soleil nous cuit le dos. Il dit qu'il vient d'entendre partir la 3e jeep. Relevant la tête, il a discrètement jeté un coup d'œil dans la cour. Déserte et silencieuse, il pense que c'est le moment d'y aller et nous secoue. Je récupère l'échelle et la remets en place. Nous sommes dans un état épouvantable, les cheveux englués, le treillis imbibé d'une sorte de boue noire qu'il faudrait racler au couteau, les chaussures aussi sales à l'intérieur qu'à l'extérieur, le visage zébré de longues traînées grasses et noires, que nous nous sommes faits en tentant de nous essuyer avec nos mains plus sales encore, et l'odeur. Impossible de continuer notre route ainsi. Nous serons immédiatement repérés rien qu'à l'odeur. Personne ne voudra nous adresser la parole, et nous nous ferons chasser de partout. Alors nous nous approchons du robinet contre le mur de la ferme, celui où nous avons rempli la gourde ce matin en passant. Il est équipé d'un bout de tuyau souple d'un mètre, sans doute pour que le fermier puisse se rincer les bottes. Et miracle, Sylvie trouve dans un creux du mur un savon de Marseille. Il ne manque plus que de l'eau chaude et des serviettes. « Ok, rinçons-nous, dit Paul, mais ne traînons pas. Plus vite nous serons loin de ce coin, mieux je respirerai. » Il s'empare alors du tuyau et me le met dans les mains. « Arrose-moi, n'aie pas peur d'y aller. » Anne file vers l'échelle qu'elle remporte dans l'étable en disant « Je vais faire le guet dans la grange. » J'ouvre le robinet à fond et arrose Paul tout habillé qui se frotte tant qu'il peut. Quand le plus gros est parti, il me dit « Arrête un peu, je vais mettre du savon. » Je baisse le jet et fais signe à Sylvie de s'approcher. Elle hésite une seconde, puis se place à côté de Paul. Je l'arrose copieusement à son tour en commençant par les cheveux et en descendant progressivement pendant qu'elle frotte au mieux son treillis boueux. Quand je termine de décaper les chaussures de Sylvie, Paul lui passe le savon pour qu'elle savonne son treillis et je m'occupe de le rincer. Je rince ensuite Sylvie et je vois Paul se déshabiller, complètement. Il pose tous ses vêtements trempés au soleil sur une pierre un peu plus loin, puis revient nu comme un ver pour prendre une deuxième douche destinée cette fois à se laver le corps. Sylvie a l'air à peine surprise, mais nullement choquée. Elle se déshabille aussi et revient de même pour sa deuxième douche. Elle a gardé son soutien-gorge et sa petite culotte. Je lui redonne un coup de jet pour qu'elle puisse se savonner. Elle commence par les cheveux qu'elle a la chance de porter courts, puis le visage, les épaules. Brusquement, elle enlève son soutien-gorge. Deux superbes seins apparaissent, raffermis par l'eau froide. Je suis un peu troublé. Je ne m'attendais pas à un striptease, là, dans cette cour de ferme, alors que je suis encore englué de fumier puant. Elle se savonne la poitrine d'un air très décontracté, puis descend sur le ventre. Elle tire alors l'élastique de sa culotte pour regarder dedans et me fait une grimace de dégoût. Alors elle la quitte tout simplement, en m'adressant un petit sourire qui signifie quelque chose comme « et pourquoi pas ?». Elle peut alors se savonner tranquillement les fesses et les parties intimes. Je rince alors Paul, qui n'a pas l'air d'avoir remarqué la tenue de sa voisine, puis Sylvie dans la foulée. Tous les deux finissent par se retrouver devant leur tas de vêtements mouillés, sans chercher à se rhabiller trop vite. Faute de serviette, il faut laisser au soleil le temps d'évaporer les gouttelettes sur la peau. Pendant ce temps, ils s'occupent de l'essorage en tordant leur treillis à quatre mains de toute leur force. Mais déjà Paul a renfilé son caleçon et monte à la grange relever Anne pour le guet. Sylvie, qui a étalé ses vêtements au soleil et n'a remis que sa culotte, a pris ma place au jet. Je me laisse décrasser en premier. Anne s'approche, l'air un peu timide. Je devine à son air que, tout en surveillant la route, elle a vu tout le déroulement de la douche côté cour. Et comme elle n'est pas aussi à l'aise avec son corps que Sylvie, elle hésite un peu. Le décrassage des treillis se passe de la même manière. Je m'éloigne alors un peu pour me déshabiller complètement. Malgré l'air blasé que j'essaye de me donner, je ne suis pas complètement à l'aise non plus. Je vais me retrouver complètement nu à côté d'Anne et en face de Sylvie, une Sylvie très bien fichue et qui ne cache rien. J'espère que je vais pouvoir me contrôler. En fait, Sylvie se marre en me voyant arriver en tenue d'Adam et m'asperge d'eau froide tant qu'elle le peut. Anne a retiré son treillis et revient en sous-vêtements. Elle se fait arroser et commence à se savonner quand je me fais rincer. « Enlève tout, tu n'y arriveras pas comme ça, » lui conseille Sylvie. « Ne t'inquiète pas, personne ne te regarde. » J'évite de trop tourner mon regard vers elle pour ne pas la gêner, car je sens bien que ce n'est pas évident pour elle. Elle ne s'est sans doute jamais trouvée à prendre une douche nue en groupe dans la cour d'une ferme. En même temps, elle ne veut pas passer pour une poltronne. Elle hésite terriblement. Alors, comme je sens qu'elle me regarde, je me tourne vers elle et je comprends qu'elle attend un encouragement. « Vas-y, » lui dis-je avec un sourire, « ne traîne pas. » Alors elle enlève tout et peut se savonner copieusement partout en évitant de regarder autour d'elle pour tenter de se sentir seule. comme l'ont fait Paul et Sylvie, nous nous retrouvons à tordre nos affaires pour les essorer. Mais quand nous commençons à les étaler au soleil, Paul survient. « Pas le temps de faire sécher la lessive. On se tire de là au plus vite.